Shall we start our Dhamma talk with the recitation of four asawa? Just to remember. Allons-nous commencer notre Dhamma talk par la récitation des quatre asawa? Kama sawa, Kama sawa, Bawa sawa, Bawa sawa, Deita sawa, Deita sawa, Avijja sawa, Avijja sawa, Kama sawa, Kama sawa, Bawa sawa, Bawa sawa, Deita sawa, Deita sawa, Avijja sawa, Avijja sawa. Tous les matins et tous les midis, au moment du repas, lorsque vous offrez la nourriture au Bouddha, à la Sangha et au Yogi, vous répétez cette formule « Idame Punyam Asava Kaya Waham ». Ceci veut dire que vous souhaitez que par cette offrande, vous puissiez créer les conditions pour atteindre Nibbana où il n'y a plus aucune Asava. Hier, après vous avoir expliqué comment il faut garder l'œil, je ne vous ai donné qu'une explication très courte et résumée de la façon dont il faut s'y prendre pour garder l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Je pensais qu'il n'était pas important de donner les détails, étant donné que les yogis avaient probablement compris comment ils devaient procéder avec l'œil et que c'était la même chose avec les autres portes sensorielles. J'avais peur également qu'ils trouvent cela ennuyeux. Mais lorsque je suis remontée chez moi, je me suis dit que ce n'était pas bien de ne pas avoir expliqué en détail. Je vais donc essayer de vous expliquer en détail comment il faut garder les autres portes sensorielles, même si je prends le risque de vous ennuyer. Le Bouddha nous parle de citta, cetasika, rupa et nibbana. Citta, c'est la conscience. Cetasika, ce sont les états mentaux. Rupa, c'est la matière. Et nibbana, c'est la paix éternelle. Ces quatre choses sont appelées paramatta, la réalité ultime. À moins d'étudier l'abhidhamma, il n'est pas facile de comprendre en quoi cela consiste. Mais par la pratique, et pourvu que l'attention soit développée, il est possible de comprendre facilement ces choses à l'intérieur de soi. L'abhidhamma est en réalité à l'intérieur de nous, il n'est pas dans les livres. Par la pratique de vipassana, et lorsque vous expérimenterez vous-même, vous serez peut-être intéressé par l'abhidhamma. Hier, je vous ai expliqué qu'au moment où vous voyez un objet, il y a trois choses qui vont se manifester. La première, c'est la partie sensitive de l'œil, en pali, chakupasada. La deuxième, c'est l'objet visible, rupa. Et la troisième, c'est la conscience visuelle, chakuvijnana. Si je ne vous donne pas des explications détaillées, vous pourriez peut-être penser que c'est chaque fois l'œil qui accompagne les différentes consciences, que lorsque vous entendez par l'œil, que lorsque vous sentez une odeur, vous le faites par l'œil, que lorsque vous goûtez une saveur, vous le faites par l'œil, lorsque vous touchez, vous le faites par l'œil, et lorsque vous pensez, vous le faites par l'œil. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer cela plus en détail. On vous demande de noter entendre dès qu'un son se manifeste. Vous devez noter entendre de façon précise et avec attention. Si vous le faites, il est possible que vous voyez qu'il y a à ce moment-là la partie sensitive de l'oreille, le son et la conscience auditive. Si votre oreille fonctionne correctement, la conscience auditive va se manifester, en pali, sota vijnana. Vous n'entendez pas avec l'œil, vous entendez avec l'oreille. Mais si vous n'êtes pas attentif, vous n'entendrez pas. Pour entendre, il faut l'attention. Parfois, les yogis sont bien concentrés, leur attention est développée. et ils n'entendent plus les sons. Vous observez par exemple très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, votre esprit est absorbé dans ces objets et il n'entend pas les sons qui viennent de l'extérieur. Tout simplement parce qu'ils ne font pas attention à ces sons. Leur attention est monopolisée par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous entendez un son et que vous notez très attentivement « entendre, entendre », que votre esprit est très attentif et concentré, il est possible que vous entendiez que les syllabes sont en fait séparées l'une de l'autre. Il y a chaque fois une césure entre les syllabes. Vous voyez cela clairement. C'est la force de l'attention. Et lorsque vous notez « entendre, entendre » de façon très attentive et concentrée, il est possible également que vous voyez le son qui s'estompe et finalement qui disparaît. Ceci est également un résultat de la force de l'attention. Et lorsque vous notez « entendre, entendre » de façon attentive et concentrée, vous n'allez pas vous attacher à ce son. Si le son est agréable, vous n'allez pas vous y attacher. Votre esprit s'arrête au simple fait d'entendre. C'est de cette façon que la porte de l'oreille est bien gardée. Si on ne garde pas l'oreille, au moment où on entend, les pensées négatives vont apparaître dans l'esprit, les pensées non sages. Si on entend un son et qu'on ne le note pas attentivement, ces pensées négatives non sages vont forcément apparaître. Quand on perd donc l'attention, les pensées non sages apparaissent dans l'esprit. Comment cela va-t-il se faire? Des images vont se manifester spontanément dans notre esprit. Et c'est le désir sensuel qui s'infiltre. L'esprit crée ces images dans l'esprit. En pensée, on va alors imaginer toutes sortes de choses. Lorsqu'on entend la voix d'une femme, par exemple, l'esprit se met à imaginer « elle est comme ceci, elle est comme cela ». Si c'est la voix d'un homme qu'on entend, l'esprit se met à imaginer que cet homme est comme ceci, comme cela. Comme je vous l'ai expliqué hier, on est toujours intéressé par le sexe opposé. Ainsi, le contact Fasa amène automatiquement la sensation Vedana. Cette sensation peut être agréable ou désagréable. Vedana va amener Tanha, le désir. Si Tanha, le désir, est très puissant, très fort, c'est Upadana qui va se manifester, la saisie, le fort attachement. Si on est pris par un fort attachement, il ne sera pas possible de vivre en paix, ni physiquement, ni mentalement. Et tout ceci parce que l'œil n'a pas été bien gardé, ou l'oreille. Donc, il y a une histoire qui illustre bien tout ceci. C'est l'histoire de Nanda, qui était le cousin du Bouddha. Par la suite, ce Nanda est devenu un arhat. Mais avant qu'il ne soit devenu un arhat, il était donc un laïc. Et un jour, le Bouddha avait été invité pour le repas d'11 heures par son père. À la fin du repas, le Bouddha quitta le palais de son père pour se rendre dans son monastère. Il donna alors à Nanda, à son cousin, son bol à aumône. Ce Nanda était sur le point de se marier avec sa cousine. Il était de tradition de se marier entre cousins. Cette jeune femme était réputée pour sa beauté. Lorsque donc elle vit le Bouddha qui donnait son bol à son fiancé, elle prit peur. Elle comprit que son fiancé ne reviendrait pas de sitôt. Elle essaya alors de le convaincre de revenir et de sa voix la plus douce, elle lui cria « Mon chéri, reviens s'il te plaît ». On peut imaginer comment ces deux jeunes gens se sentaient. Mais par respect pour le Bouddha, Nanda le suivit. Arrivé au monastère, le Bouddha lui demanda « Nanda, veux-tu devenir un bhikkhu ?» Nanda n'avait pas envie de devenir un bhikkhu, mais de nouveau, par respect, il dit oui. Sariputta ordonna alors Nanda. En tant que bhikkhu, il faut pratiquer la méditation ou étudier les écritures. Mais Nanda n'était pas en mesure de le faire, il n'arrivait pas à noter, car il entendait toujours la douce voix de sa fiancée. Nanda ne pouvait donc pas garder son esprit. Nous devons nous entraîner à garder notre esprit. Lorsque nous entendons un son, nous devons nous entraîner à noter, entendre. Ceci n'est pas facile. Il faut noter de façon très diligente. Il faudra donc chaque fois noter avec diligence, précision et attention, de façon à ce que l'esprit n'aille pas au-delà du simple fait d'entendre. Si nous réussissons à le faire, il n'y aura pas de sensation. S'il n'y a pas de sensation, il n'y aura pas de désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y aura pas d'attachement. Il n'y aura que le simple fait d'entendre. Et il est possible alors que vous voyez le son disparaître. Vous verrez alors clairement. Nous devons donc nous entraîner à garder nos six portes sensorielles. Donc, nous allons réussir à comprendre si nous notons attentivement entendre ou voir. Que veut dire comprendre? Nous comprendrons qu'il y a chaque fois, dans le cas du son, il y aura l'oreille, la partie sensitive de l'oreille, sota passada, il y aura l'objet audible, le son, c'est la matière, et il y aura la conscience auditive, sota vijnana. S'il s'agit d'un objet visible, ce sera la conscience visuelle Chakku Vijnana. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion en vous. Chitta est synonyme de mana qui est synonyme de Vijnana. Ces trois mots sont donc synonymes. On peut dire mana ou mano. Il s'agit chaque fois de la conscience. Mais dans ce contexte, on parle de sota vijnana, la conscience auditive. On nous demande également de noter, sentir lorsqu'il y a une odeur. Nous devons noter très attentivement. Et c'est la même chose qui va se produire. Il y aura le nez, il y aura l'odeur et il y aura la conscience. Dans ce cas, la conscience, c'est Ganda Passada. Mais si on n'est pas attentif et qu'il y a une odeur déplaisante qui apparaît, la colère va se manifester dans notre esprit. Si on est très attentif et qu'on note sentir au moment où on sent cette odeur, l'esprit restera très paisible. Nous devons donc nous entraîner à noter sentir lorsqu'il y a une odeur. Il y a donc, au moment où l'odeur est là, il y a la partie sensitive du nez, vous pouvez dire simplement le nez, Gana Passada. Il y a l'odeur, Gana Ramana, c'est la matière. Et il y a la conscience olfactive, Gana Vijnana. Il y a donc différentes consciences, la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive. La conscience, c'est toujours la conscience, et elle diffère d'après l'objet. Il y a ensuite la langue. Il y a tout d'abord la partie sensitive de la langue qui permet de goûter les aliments. Elle permet de reconnaître s'il s'agit d'un aliment salé, d'un aliment sucré, d'un aliment amer. Et il y a enfin la conscience gustative. On vous demande de noter attentivement, mâchez au moment où vous mangez. Vous allez voir, expérimenter qu'il y a de la salive qui s'accumule dans la bouche. Si vous êtes très attentif, vous comprendrez qu'il y a donc l'élément liquide dans la bouche. Vous comprendrez également qu'il y a toutes sortes de goûts. Vous pourrez les reconnaître. Mais si vous n'êtes pas très attentif au moment où vous mangez, vous ne goûterez rien. Vous allez manger avec avidité, avec désir. La seule chose qui importera, c'est de vous remplir l'estomac. Par contre, si vous êtes très attentif et que vous notez attentivement mâcher, vous pourrez expérimenter les différents goûts. Il y a donc chaque fois la langue, le goût et la conscience olfactive. La langue et le goût sont la matière, rupa. La conscience olfactive, c'est nama, l'esprit. Lorsque donc vous mangez attentivement et que vous notez mâcher, mâcher, vous comprenez la différence entre l'esprit et la matière. Faire cette différence, c'est comprendre correctement, c'est sammaditti. Lorsque vous aurez donc sammaditti, les vufus vont disparaître de votre esprit. Vient ensuite la partie sensitive du corps, la sensibilité du corps, kaya passada. Il y a la sensation physique elle-même et il y a la conscience de cette sensation, la conscience du toucher. Lorsqu'on touche quelque chose ou qu'on entre en contact avec un objet tangible, on nous demande de noter toucher, toucher. Les objets tangibles sont partout dans le corps. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ce sont des objets tangibles que vous observez. À l'entretien, le yogi explique parfois qu'il note attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il le fait de façon respectueuse et voit que lorsqu'il note soulèvement, son abdomen se soulève. Lorsqu'il note abaissement, son abdomen s'abaisse. Il se demande qui pousse cet abdomen vers le haut, qui pousse cet abdomen vers le bas. Et il comprend que c'est l'élément air. Il ressent cela comme un ballon qui serait gonflé et dégonflé. Il explique également qu'à la fin du mouvement de soulèvement, il ressent de la dureté. À la fin du mouvement d'abaissement, il ressent l'air qui est expulsé du corps. Il ressent également de la dureté. Tout ceci, ce sont des objets tangibles, autrement dit des sensations. Mais il ne faut pas rechercher ces sensations. Il faut tout simplement être attentif de façon précise à ce qui se manifeste. La vision, la compréhension va se manifester spontanément. Vous sentez les objets tangibles, vous les expérimentez, c'est kaya vijnana, la conscience du corps. Parfois, vous observez attentivement les mouvements de l'abdomen et vous ressentez tout naturellement et spontanément une sensation de chaleur ou bien une sensation de froid. Ceci, ce sont également des objets tangibles, des sensations. Vous notez attentivement l'abdomen et vous ressentez ces sensations. Elles vous apparaissent spontanément, naturellement. Vous ne les recherchez pas. Vous êtes tout simplement très attentif et vous les ressentez spontanément. Ce sont donc tout cela, ce sont donc des objets tangibles et il y en a partout dans le corps. Vous pouvez en être conscient tout simplement en étant attentif. Parfois, vous êtes assis sur le sol qui est dur et vous avez l'impression d'être assis sur un coussin d'air. De nouveau, il s'agit là d'une sensation. Il y a donc la sensibilité du corps, il y a l'objet tangible, autrement dit les sensations, et il y a la conscience du corps. La conscience du corps, c'est nama, l'esprit. La sensibilité physique, le corps, et l'objet tangible, les sensations, sont rupa, la matière. Le yogi, qui observe donc attentivement, comprend ces trois choses. Et il y a enfin mana, la conscience. Lorsqu'il y a une pensée, nous notons pensée. Il y a donc là également la pensée. Il y a l'esprit qui note cette pensée. Donc on nous demande de noter pensée dès qu'il y a une pensée. Le subconscient va créer toutes sortes d'imaginations, de pensées dans notre esprit, un petit peu comme Nanda, qui ne notait pas ses pensées et donc qui voyait toujours sa fiancée en pensée. Mais si on note ses imaginations, ses pensées, elles disparaissent. Donc chaque fois que l'on voit, qu'on entend, qu'on sent une odeur, qu'on goûte une saveur ou qu'on touche, ces pensées sont susceptibles d'envahir notre esprit. Donc, ces pensées, ces imaginations peuvent s'introduire dans notre esprit au moment où l'on voit quelque chose, au moment où l'on entend un son, lorsqu'on sent une odeur, lorsqu'on goûte une saveur ou lorsqu'on touche. Ces pensées sont toujours susceptibles d'entrer dans notre esprit. Si on ne note pas, elles vont s'introduire et elles vont rester, mais si on note, on les verra disparaître, s'arrêter. Donc, il y a la conscience de l'esprit, il y a l'objet, qu'il soit visible, audible, ou qu'il vienne de la langue, du toucher, ou du nez, c'est rupa, et la conscience, c'est nama. Donc, de cette façon, nous devons nous entraîner à bien garder les 6 portes sensorielles. Les facultés sensorielles doivent être bien gardées. Si nous réussissons à bien garder nos facultés sensorielles, nous serons ce cocher dont il est question dans le sutta. Dans le sutta, on parle donc d'un cocher qui conduit une calèche tirée par 4 chevaux. Le cocher est très habile. Les 4 chevaux sont bien dressés. La route est bien tracée. Le cocher peut donc mener facilement la calèche. Tout simplement parce qu'il est lui-même très habile. Il est un bon dresseur de chevaux. Il est un bon cocher. Les chevaux sont bien dressés et la route est bonne. De cette façon, le cocher peut diriger facilement la calèche et ne fait pas d'accident. Si donc nous gardons bien nos 6 portes sensorielles, nous pourrons vivre heureux et en paix. Et lorsque nous aurons atteint l'état d'arhat, nous aurons éliminé totalement de notre esprit les 4 asavas. Nous aurons alors atteint Nibbana. Dans ce même sutta, le Bouddha nous dit donc que le bhikkhu qui détient ces 3 qualités pourra mener une vie heureuse et paisible, mais il faudra également qu'il s'efforce de se débarrasser des 4 asavas. Il me reste à vous expliquer en quoi consiste la 2e qualité, la modération dans l'alimentation, et la 3e, le fait d'être toujours attentif de façon diligente et avec dévotion. Mais je vous en parlerai demain. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.